tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché continue de bloquer le prix des fruits et légumes de saison, comme la barquette d'un kilo de kiwi vert origine France à seulement 2,49€. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, variété Hayward, calibre 65-70, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. Pêcheur d'Islande, de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec, dans les rôles principaux, Jean-Pierre Moreux, Marie-Christine Le Thor, Florence Lecor, Nicolas Struve, Dominique Pinon, Jean Aucotrel. Sixième épisode. Un soir pâle du mois d'août, la lettre qui annonçait la mort de Sylvestre arriva sur la mer d'Islande. Jan Husla et resta insensible, comme quelqu'un qui ne comprendrait pas bien. Il cacha la lettre dans son tricot, contre sa poitrine, comme les matelots font, sans rien dire. Il se jeta sur sa couchette et s'endormit. Quand il prit son quart, il regarda autour de lui le grand cercle familier de la mer. Cet horizon, qui n'indiquait aucune région précise de la Terre, ni aucun âge géologique, avait dû être tant de fois pareil depuis l'origine des siècles, qu'en regardant, il semblait qu'on ne vit rien. Rien que l'éternité des choses qui sont et qui ne peuvent se dispenser d'être. Il ne faisait même pas nuit. C'était éclairé par un reste de lumière qui ne venait de nulle part. C'était gris. D'un gris trouble qui fuyait les regards. Il y avait en haut des nuées diffuses. Elles avaient pris une quelconque forme parce que les choses ne peuvent guère se passer d'en avoir. Mais en un point de ce ciel, très bas, près des eaux, elles faisaient une sorte de marbrure, un dessin mou, combinaison de hasard, non destinée à être vue, fugitive, prête à mourir. Et cela, seul, dans tout cet ensemble, paraissait signifier quelque chose. On eût dit que la pensée mélancolique, insaisissable, de tout ce néant, était inscrite là. Lui, Jan, il regardait de plus en plus cette marbrure du ciel. Elle avait la forme de quelqu'un qui s'affaisse, avec deux bras qui se tendent. Il lui semblait que c'était une ombre humaine agrandie, gigantesque, à force de venir de loin. Puis cette ombre triste effondrée au bout de ce ciel de ténèbres se mêlait peu à peu au souvenir de son frère mort. À regarder ce nuage, il sentit venir une tristesse profonde. Il comprenait maintenant que son pauvre petit frère ne reparaîtrait jamais plus. Jan revoyait la figure de Sylvestre, ses yeux d'enfant. Quelque chose comme un voile tomba tout à coup entre ses paupières, malgré lui. Et d'abord, il ne s'expliquait pas bien ce que c'était, n'ayant jamais pleuré dans sa vie d'homme. Dans son idée à lui, la mort finissait tout. Il lui arrivait bien par respect de s'associer à ces prières qu'on dit en famille pour les défunts, mais il ne croyait à aucune survivance des âmes. Avec son dédain des autres, il pleura sans aucune honte, comme s'il eût été seul. Au dehors, le vide blanchissait. Et en même temps, il paraissait s'étendre, se creuser d'une manière plus effrayante. Avec cette espèce d'aube qui naissait, les yeux s'ouvraient davantage et l'esprit plus éveillé concevait mieux l'immensité des lointains. Alors, les limites de l'espace visible étaient encore reculées et fuyaient toujours. C'était un éclairage très pâle, mais qui augmentait. Les choses éternelles avaient l'air de s'illuminer par transparence. Ce jour-là, on ne voyait nulle part des tons roses d'aurore, tout restait blême et triste. Et un homme pleurait. Quand le plein jour vint, Yann essuya ses yeux avec la manche de son tricot. Il fut repris par le travail de la pêche. Autour de nous, dans les fonds immenses, c'était un nouveau changement à vue. Le grand déploiement d'infini était terminé, et les lointains paraissaient se rétrécir, se refermer. Il semblait même qu'on manquât d'espace. En quelques minutes, le suaire de mousseline blanche fut uniformément dense, impénétrable. Autour de la Marie, on ne distinguait plus rien qu'une pâleur humide, où se diffusait la lumière et où la mâture du navire semblait se perdre. La voilà qui était arrivée, la sale brume. Les hommes connaissaient depuis longtemps cette inévitable compagne de la seconde période de pêche. Une sensation de froid et de mouillé pénétrait les poitrines. En même temps, la pêche allait de plus en plus vite, et on ne causait plus. On entendait tomber à bord de gros poissons qui se trémoussaient en claquant de la queue contre le bois du pont. Le marin qui leur fendait le ventre avec son grand couteau s'entaillait les doigts et son sang rouge se mêlait à la saumure. On est resté 10 jours d'affilée, pris dans la brume épaisse. La pêche continuait d'être bonne et on ne s'ennuyait pas. De temps en temps, à intervalles réguliers, l'un de nous soufflait dans une trompe de corne, d'où sortait un bruit pareil au beuglement d'une bête sauvage. Quelquefois, du fond des brumes blanches, un autre beuglement lointain répondait à leur appel. Alors on veillait davantage. Si le cri se rapprochait, il devenait une occupation, une société. Puis il s'éloignait. Alors on se retrouvait seul dans le silence, au milieu de cet infini immobile. Tout était imprégné d'eau, ruisselant de sel et de saumure. Le froid devenait plus pénétrant. Le soleil s'attardait davantage sous l'horizon. Il y avait déjà de vraies nuits d'une ou deux heures, dont la tombée grise était sinistre et glaciale. La vie était saine et rude. Dans le jour, nous causions peu entre nous. Chacun, tenant sa ligne, restait pendant des heures et des heures à son même poste invariable, les bras seuls occupés au travail incessant de la pêche. Nous n'étions séparés les uns des autres que de 2 ou 3 mètres, et nous finissions par ne plus nous voir. Cette obscurité blanche endormait l'esprit. Les pensées se faisaient plus lentes et plus rares. Elles semblaient se distendre, s'allonger en durée, afin d'arriver à remplir le temps sans y laisser des vides, des intervalles de non-être. On n'avait plus du tout l'idée aux femmes, parce qu'il faisait déjà très froid. Mais on rêvait à des choses incohérentes ou merveilleuses, comme dans le sommeil. Yann avait retrouvé ses façons d'être. Vigilant et alerte, prompt à la manœuvre et à la pêche, l'allure désinvolte comme qui n'a pas de soucis, peu communicatif, et portant toujours la tête aussi haute, avec son air indifférent et dominateur. Le soir, au souper, il lui arrivait de rire aux choses drôles que les autres disaient. En lui-même, peut-être se souciait-il un peu de cette Gaude Mével, qui était devenue une pauvre fille à présent. Ou bien le deuil de Sylvestre Mohan durait dans le fond de son cœur. Impossible de savoir. Le cœur de Yann était une région inconnue de tous, et peut-être aussi de lui-même. Un matin, vers 3 heures, on a entendu sur la mer comme des bruits de voix. Qui est-ce qui a parlé? Pas moi, personne. Personne n'avait rien dit. Une grande chose imprévue s'est dressée menaçante. Très haut, tout près de nous. Des mâts, des vergues, des cordages, une silhouette de navire qui s'était formée en l'air. Partout à la fois d'un seul coup. Et des hommes sont apparus là, penchés sur le rebord, nous regardant avec des yeux grands ouverts. Alors on s'est mis à rire. À rire. On se reconnaissait. C'était la reine Berthe, capitaine Larveur, de Paimpol lui aussi. Tous ses matelots étaient des villages d'alentour. Ce grand-là, tout en barbe noire, c'était Kergégou, de Ploudaniel. Et les autres venaient de Plounès ou de Plounérin. Mais pourquoi ne soignez-vous pas de votre trompe, bande de sauvages? Et vous, bande de pirates? Oh, nous, c'est différent. Ça nous est défendu de faire du bruit. On engagea une causerie pour parler des choses du pays. Ma femme m'écrit qu'elle vient d'avoir son petit que nous attendions. Ça va nous en faire la douzaine. Jeannie Karoff s'est mariée avec un vieux Richard infirme de Plourivaux. On n'ira plus danser avec elle. Bonjour, grand Yann. Tu me reconnais? Qui es-tu? Sais-tu que le petit-fils de la vieille Mohan est mort en Chine? Ah ouais, je sais. C'est la fille Mevel qui soigne la vieille. Elle s'est même installée chez elle. Et elle travaille à présent, cette demoiselle, malgré ses grands airs et ses falbalas. Qu'est-ce que t'en penses, grand Yann? Ah, rien! J'en pense rien! Leur navire fut moins près, et tout à coup, plus rien. La reine Berthe avait disparu tout d'une pièce. On a appelé, crié, mais rien n'a répondu dans la brume. Rien qu'une espèce de clameur moqueuse à plusieurs voix, terminée par un gémissement. La reine Berthe n'est jamais revenue à Paimpol. Et comme ceux du Samuel à Zénide ont rencontré dans un fjord son épave, on ne l'a pas attendue. Dès le mois d'octobre, les noms de tous ces marins étaient inscrits dans l'église sur des plaques noires. Mais il y a quelque chose qui cloche. Depuis sa dernière apparition devant nous jusqu'à l'époque du retour, il n'y eut aucun mauvais temps dangereux sur la mer d'Islande. Tandis qu'au contraire, 3 semaines auparavant, une bourrasque d'ouest a emporté plusieurs marins et englouti 2 navires. Si on rapproche tous les éléments, on peut imaginer bien des choses. Et pour moi, c'est sûr. Ce matin-là, on a parlé avec des morts. Depuis 3 mois déjà, Gaude et la vieille grand-mère, les 2 abandonnées, habitaient ensemble à Ploubalanec, la chaumière des Mohanes. Gaude avait pris place de fille dans ce pauvre nid de marins morts. Elle avait envoyé là tout ce qu'on lui avait laissé après la vente de la maison de son père, son beau lit à la mode des villes et ses belles jupes de différentes couleurs. Tous les jours, elle travaillait à des ouvrages de couture chez des gens riches de Paimpol et rentrait le soir sans être distraite en chemin par aucun amoureux. Cette route mène chez Yann. En poussant un peu, j'arriverai à ce hameau de Port-Séven, où les arbres croissent tout petits entre les pierres et se couchent dans le sens des rafales du vent. Je n'y retournerai sans doute jamais, Mais une fois dans ma vie, j'y suis allée. Et cela suffit pour que ce paysage garde un charme. J'aime toute cette région de Ploubalanec. Oui, je suis bien heureuse que le sort m'ait rejetée là. À la fin du mois d'août, il y a des soirées lumineuses. Des reflets du grand soleil du sud viennent traîner jusque sur la mer bretonne. Très souvent, l'air est limpide et calme, sans aucun nuage nulle part. Au carrefour, les vieux Christ étendent leurs bras noirs sur les calvaires, comme de vrais hommes suppliciés. Et dans le lointain, la Manche se détache en clair sur un ciel déjà ténébreux. Chez nous, même ces beaux temps sont tellement mélancoliques. Il reste toujours une inquiétude, une anxiété venue de la mer. Malgré tout, j'ai bien le droit de considérer ce grand Yann comme une sorte de fiancé. Un fiancé fuyant, certes, dédaigneux, sauvage, et que je n'aurai jamais, mais à qui je serai toujours fidèle. J'aime qu'il soit en Islande. Là, au moins, il ne peut se donner à aucune autre. Quand il reviendra, la pauvreté ne sera plus un motif pour être dédaignée. Et puis, cette mort de Sylvestre est une chose qui nous rapprochera. Oui, à son arrivée, il ne pourra manquer de venir voir la grand-mère de son ami. Et moi, je serai là. Il ne me semble pas que ce soit manquer de dignité. Je lui parlerai comme à quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. Je lui parlerai même avec affection, comme à un frère de Sylvestre, en tâchant d'avoir l'air naturel. Et qui sait, il n'est pas impossible de prendre auprès de lui une place de sœur, de se reposer sur son amitié, de la lui demander comme un soutien, en s'expliquant assez pour qu'il ne croie plus à aucune arrière-pensée de mariage. Bien sûr, il est sauvage, entêté, mais aussi il est doux, franc, et capable de comprendre les choses bonnes qui viennent tout droit du cœur. Mais que va-t-il éprouver aussi en me retrouvant là, pauvre, dans cette chaumière presque en ruine. C'était « Pêcheur d'Islande » de Pierre Loti, dans une adaptation de Hervé Prudhon. Avec Jean-Pierre Moreux, le narrateur, Marie-Christine Le Thor, la narratrice, Florence Lecor, Gaude, Nicolas Struve, Yann, Dominique Pinon, Guillaume, Jean Cotrel, le capitaine. Et les voix de Loïc Pichon, Hervé Colombel, Émilien Tessier, Jacques Faugeron, Paul Riéger, François Soul, Alexandre Aubry. Musique: Arvo Part, Guy Ropartz. Bruitage: Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage: Claire Levasseur, Nadège Antonini. Réalisation: Annabelle Brouard, Étienne Vallès.